enfoncé dans lequel son bonnet de tribord peut rentrer sa femme, ses deux enfants et aussi parfois belle-maman quand elle les accompagne au pique-nique dominical au bord d'un bois charmant. Acharné à son travail, telle une charogne parfois bagne, c'est décidé, il prend des vacances, il emmène sa petite famille en Bretagne. Ils poiront l'océan, le pays où il pleut tout le temps, même que c'est pas vrai, comme le disent si souvent ses habitants. Habitués à une routine, privés de clash, ils votent à droite et quand ils parlent politique, ils ne mâchent jamais ces mots, le capitalisme et le train de l'évolution. Les cons de pauvres, au lieu de se plaindre, feraient mieux de prendre en marche. Il y a de la marche entre le fromage et le dessert, une petite blague, puis la digestion devant la série allemande policière. La France est une drôle galerie de portraits, aussi différents les uns des autres que les films du 7ème art français. La France est une drôle galerie de portraits, aussi différents les uns des autres que les films du 7ème art français. Du 7ème art français. Nadège, 45 piges, est mariée, deux enfants et très copine avec Edwige, sa jolie fille de 16 ans. Ensemble, elle regarde à 19h la Star Academy et toute la Real TV depuis qu'on a lancé Love Story. Son rêve serait passé à vie ma vie et changer son boulot de caissière avec celui d'une star très populaire, Hélène Segarra. Ou tiens, plutôt Jennifer, pour faire plaisir à son petit chou qui dans la chambre a tous les posters. Elle aime rigoler, son activité préférée est le karaoké. Tous les vendredis soirs au bar du marché, un jour elle a même réussi à faire chanter son mari René. Quelle rigolade à leur table, elle avait même pensé au jetable pour en garder des souvenirs à jamais ineffaçables. La France est une drôle galerie de portraits, aussi différents les uns des autres que les films du 7ème art français. La France est une drôle galerie de portraits, aussi différents les uns des autres que les films du 7ème art français. Du 7ème art français. Julien, cette année, est enfin en terminale. Il va pouvoir passer son bac, se casser du domicile parental, passer le permis pour aller avec des amis dans des festivals afin d'écouter du ska, et aussi du métal. Il est orienté plutôt coco, son t-shirt avec le tché en photo. Ce héros est pris d'une jeune claire, une belle fille aux yeux clairs avec elle il espère faire le tour de la terre. Une joie éphémère pour ce jeune homme qui voudrait légaliser le cannabis dans l'Europe tout entière. La France est une drôle galerie de portraits, aussi différents les uns des autres que les films du 7ème art français. La France est une drôle galerie de portraits, aussi différents les uns des autres que les films du 7ème art français. Du 7ème art français. Dans tes oreilles ou peut-être ailleurs.